Chapitre 3. Savoir et culture libre. 21. Introduction. Lu par François Chenel. Savoir et culture libre. Sans propriété intellectuelle, il n'y a pas de création, ni de progrès, ni d'investissement dans la recherche, vaticinait François Daubert, alors en charge du Comité national anti-contrefaçon, avant de prendre le poste de ministre de la Recherche dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Cette dialectique insane, qui n'oppose au brevet que le chaos, participe à une stratégie politicienne de renforcement des droits de la propriété intellectuelle, et pas seulement en France. L'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne indique ainsi sobrement que « la propriété intellectuelle est protégée », sans préciser dans quel but, ni à quelle fin. On reste dans le registre de l'affirmation axiomatique qui dit propriété dit innovation et l'on néglige les restrictions que ce choix induit à l'égard de l'accès à la connaissance ou à la culture. N'en déplaise à François Daubert, il existe des domaines où la connaissance et les œuvres ne sont pas protégées par des brevets, des droits d'auteur ou d'autres titres, des espaces où la copie est légale encouragés. Et ces secteurs contribuent de façon décisive à l'innovation et à la production des connaissances. La recherche scientifique en est l'exemple le plus flagrant. L'immense majorité des chercheurs publient le fruit de leurs travaux, et c'est par la mise à disposition, la circulation, la libre appropriation que la science ouverte évolue. L'Internet et l'informatique, en facilitant la coopération et la diffusion, ont étendu cette logique. Les logiciels libres font obstacle aux stratégies monopolistiques et le web abonde de sites bâtis par des bénévoles, amateurs ou professionnels. Et là, on ne saurait parler de piraterie, puisque la copie et le libre accès sont les principes premiers de ces espaces créatifs. Les forces de la propriété ont d'évidence un rôle moteur dans le processus d'innovation et de création. Il n'est pas question ici de plaider pour une abolition des règles de la propriété intellectuelle. Cependant, les forces de la diffusion ont prouvé depuis longtemps leur efficience. Inséparables des notions d'ouverture, de coopération et de libre accès, elles reposent en fait sur des logiques différentes de celles privilégiées par la propriété intellectuelle.